Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur le podcast de la French Tech San Paolo. Vous l'aurez compris, on va parler tech, business et entrepreneuriat à l'étranger. Nous allons questionner les rouages de la réussite outre-mer, partir à la rencontre d'hommes et de femmes au parcours singulier, et faire un saut dans la culture paulista, où samba et caipirinha peuvent rimer avec start-up et digital, par exemple. Pendant 40 minutes environ, ces businessmen et women vous parleront de leur parcours, leurs challenges professionnels, vous prodigueront conseils et anecdotes afin que vous en retiriez un maximum. Vous inspirez, vous conseillez, vous motivez, vous rassurez, vous trouverez bien un motif qui en vaudra la peine. Prêt au décollage? Alors allons-y, vous écoutez la French Tech San Paolo. Je dois dire que j'étais assez surpris de la rapidité avec laquelle on répondait à mes mails ou invitations sur LinkedIn et de la disponibilité des entrepreneurs que je souhaitais rencontrer. Fabien et Mathieu avaient donc raison, le réseau de la French Tech est très efficace et très utile et les gens ouvrent assez facilement leur carnet de rendez-vous. Antoine Bagure était mon troisième rendez-vous en 4 jours et nous avions prévu un déjeuner près de son lieu de travail dans le quartier sympathique de Moema. En me documentant sur lui, je savais que mon entretien allait être passionnant. Au sortir de l'École nationale des ponts et chaussées, il avait travaillé dans le secteur de l'énergie en France chez Areva, puis avait développé une expertise digitale en tant que manager chez Capgemini Consulting pour enfin finir à San Paolo, Chief Operations Officer de la startup Plataforma Vergi. Ayant une appétence particulière pour la green tech, j'ai été très enthousiaste à l'idée de rencontrer Antoine pour échanger sur son parcours et sa vision du développement durable à San Paolo. Notre échange fut très enrichissant et je ressortis presque frustré de ne l'avoir rencontré plus tôt et de n'avoir pu candidater à un poste qu'il venait de combler dans sa start-up. Je suis tellement pressé que vous en sachiez plus que je ne résiste pas à vous révéler le slogan génial de Plataforma Vergi, qui est « Digitaliser la poubelle ». Vous l'aurez compris, on va donc parler recyclage et digital, deux thématiques d'actualité et surtout d'avenir. Bref, je ne vais pas tout vous dévoiler, je m'arrête là et je laisse place à mon entrevue avec Antoine Bagure. Bonjour, bonjour Antoine. J'aime bien commencer mes interviews par recontextualiser l'endroit où nous sommes pour que les auditeurs aient une certaine ambiance d'ici au Brésil. Donc, où sommes-nous? Alors, on est au 19e étage d'une tour en plein cœur de Moema, qui est une tour commerciale, et on est dans une partie de ce 19e étage qui sont les bureaux de la start-up brésilienne Plataforma Vergi, qui est une start-up de digitalisation de la gestion des déchets. C'est en open space? Alors oui, la grande partie c'est de l'open space. J'ai plein de programmateurs qui sont alignés sur des tables et qui font des lignes de code. Et il y a deux petits bureaux, un pour le CEO et un pour les RH, mais sinon on est tous en open space. Ouais. Et vous êtes combien à peu près? Alors non, on est sur une phase de croissance de l'entreprise. On était environ 15 en décembre 2018. Là, on approche déjà plus de 25, je crois. Et on cherche à grandir encore jusqu'à la fin de l'année pour atteindre une quarantaine de personnes. Ok, cool. Quel est ton parcours professionnel un petit peu, de ton époque étudiante à maintenant, si tu pouvais faire en résumé, pourquoi, qu'est-ce qui a guidé tes choix? Alors, moi, mon histoire avec le Brésil, elle est assez amusante. J'ai eu, à la fin de mes études en France, j'ai eu l'opportunité de faire un double diplôme que j'ai fait. Je pouvais choisir un certain nombre de pays internationaux et j'ai fait le choix à l'époque d'aller vers un pays auquel je croyais, de par un certain nombre de fondamentaux, qui est le Brésil. Donc, je suis venu ici en 2006 pour faire un double diplôme à l'école polytechnique et je suis resté presque 2 ans à démarrer avec l'apprentissage du portugais et à m'habituer à cet environnement. Et en fait, j'ai eu le choix à la fin de ce cursus de rester au Brésil ou de rentrer en France. Le choix que j'ai fait, en fait, c'est assez, je pense, beaucoup de gens qui habitent ici le savent. C'est un pays avec beaucoup d'opportunités, mais c'est aussi un pays qui a besoin d'apports extérieurs sur la façon de travailler, sur les méthodes. Donc, ouais, moi, j'ai fait le choix de rentrer en France en me disant peut-être que je reviendrai plus tard avec un bagage d'expérience plus important. Et c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai travaillé pendant 10 ans en France, surtout dans l'énergie, avec des sujets d'efficacité énergétique, dans le nucléaire, sur de l'opération, sur du conseil. Et après 10 ans d'expérience professionnelle en France, j'ai eu l'opportunité de revenir, un peu comme si ça avait été écrit, quoi, de revenir au Brésil. Et dans un cadre un peu particulier, c'est ma femme qui a été envoyée ici par son entreprise. Moi, j'avais beau essayer de me faire envoyer, j'y arrivais pas. et donc, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai eu l'occasion de remettre un peu à plat, de dire, tiens, qu'est-ce que, après avoir travaillé 10 ans dans des grands groupes, après avoir appris beaucoup sur les méthodes, est-ce que j'ai pas envie de me diriger vers quelque chose de plus entrepreneurial, fort de tout ce bagage, et puis dans quel secteur? Et j'ai exploré, bien sûr, le secteur de l'énergie ici. Mais très rapidement, en fait, j'ai, comme beaucoup de personnes en général, beaucoup de gens qui viennent au Brésil de France ou d'autres pays occidentaux, choqués par le sujet des déchets ici. Parce qu'on a l'impression de revenir en arrière par rapport à ce qu'on faisait au quotidien. Et dans les premières semaines, j'ai commencé à me renseigner un peu dans mon temps libre sur la gestion des déchets. Et en fait, progressivement, j'ai fait beaucoup de déjeuners, beaucoup de rencontres passionnantes, beaucoup de visites de sites, par exemple, et j'ai progressivement décidé de me spécialiser dans la gestion des déchets, parce que c'est un secteur où je pense qu'il y a beaucoup plus d'opportunités aujourd'hui, par exemple, que dans l'énergie. C'est beaucoup plus greenfield, on va dire, en termes de sujets. Ils ont beaucoup plus de retard et l'enjeu écologique est incroyable, économique et social aussi. Et puis, pourquoi le digital? Parce que j'avais envie d'apporter de la valeur assez vite aux projets auxquels j'allais participer, après avoir fait du nucléaire où les lead times sont gigantesques, il faut 20 ans pour sortir un projet. Là, j'avais envie d'être sur des choses où en quelques semaines, quelques mois, on puisse apporter de la valeur. Et le digital répondait complètement à cette demande-là. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce virage. Ça reste dans le sujet. C'était assez connexe avec l'énergie. On est toujours dans les sujets, on va dire, développement durable. Donc, c'était pas très compliqué de faire le passage. Mais malgré tout, c'est un secteur en tant que tel qui demande une expertise, qui demande d'aller sur le terrain pour savoir de quoi on parle. Ok, mais donc quand tu arrives c'était en 2017, ouais. Quand tu arrives au Brésil, donc au début tu étais nu, tu arrives sans travail et c'est toi qui vas directement prospecter, faire tes déjeuners, tu vas te créer ton réseau, tu vas te créer même, je crois, ta boîte de consulting. Et donc tu as directement entrepris quelque part où tu t'es dit, ok, je me bouge, j'arrive, je vais voir les gens. Je vais apprendre d'eux et t'as rapidement identifié le. En fait, oui, non, mais moi, c'est surtout, je venais après 10 ans d'expérience, donc j'avais une vraie volonté qui était de remettre les choses à plat, de ne pas me précipiter sur la première opportunité. En plus, je connaissais le Brésil, j'avais fait mon stage de fin d'études ici chez Veolia, j'avais eu des difficultés sur de la prise de stage chez General Electric à l'époque et tout. Donc, je savais que c'était un secteur sur lequel il faut quand même arriver, dans lequel il faut faire. Faut pas se précipiter, et c'est aussi le bon moment d'un point de vue maturité de carrière, de dire qu'est-ce que je vais faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, la méthode que j'ai appliquée, c'était une méthode un peu, j'ai rien à perdre, je vais rencontrer un maximum de gens, et je vais progressivement roder mon projet, parce que il y a une première chose qui est d'avoir un projet initial, de dire tiens, je vais, par exemple, on va dire que mon projet initial, moi, c'était de rentrer dans une petite boîte de panneaux solaires ici au Brésil, parce que continuité énergie, aller vers quelque chose qui soit des projets à lead time plus court, il y a du soleil, il y a de l'éolien, ça aurait pu être de l'éolien aussi, mais j'avais envie de m'éloigner un peu des grands groupes à la base et d'aller plutôt vers des plus petites structures pour pouvoir apporter, pour pouvoir structurer des entreprises et les faire grandir d'un niveau de maturité plus récent. Et puis en fait, c'est au fur et à mesure, enfin, la méthode pour moi, ça va être de multiplier les rencontres. Et le point d'entrée, d'ailleurs, c'est assez amusant, les premiers contacts que j'ai eus, c'est la French Tech. C'est par un ami qu'on m'avait recommandé de France, qui lui m'a donné trois contacts, et les trois contacts m'ont chacun donné trois contacts. Et moi, ce que je recommande à tous les gens maintenant que je rencontre, qui viennent de France et qui veulent savoir comment s'y prendre, c'est ne pas disqualifier un contact qu'on donne, parce que ah, je ne sais pas si ça va, en fait, peut-être que ça ne va rien donner, ou ça ne va peut-être pas m'intéresser, ou ce n'est pas exactement ça que je cherche, parce qu'en fait, chaque personne a un réseau, chaque personne peut faire rebondir vers d'autres contacts et exploiter chaque contact qu'on nous donne en allant sans compromis. Quoi. C'est-à-dire, on déjeune, on se rencontre, la personne elle peut avoir un projet derrière plus tard, elle peut rappeler. Donc moi, j'ai vraiment tiré chacune des ficelles en fait, des gens qu'on m'a recommandés pour me faire un... En plus, il y a tout le côté tissu relationnel. Il faut se recréer de rien. Un carnet de contacts, des gens qu'on va pouvoir appeler au fil de l'eau, même indépendamment de la recherche du travail. Et c'est ça qui a fonctionné. Et ça a quand même pris plusieurs... je suis arrivé en septembre, en octobre, j'ai démarré, et quasiment jusqu'à janvier, ça a pris 3-4 mois C'est vraiment de l'abattage de rendez-vous et de déjeuner. Et c'est extrêmement riche. En fait, le projet mûrit, le discours mûrit. Les opportunités, ça permet aussi parfois de capter même des opportunités auxquelles on n'avait pas pensé en disant tiens, ça, finalement, ça peut m'amuser aussi de faire ça. Et c'est au fil de ces rencontres en fait que j'ai mûri mon second projet. Et mais le projet à la base, c'était pas directement de rentrer chez Plateforme Averdi. Au début, début, il y a eu la boîte de consulting à ton compte, puis Westech pour te mener en fait là par la suite. Alors ouais, de façon plus spécifique, en fait, moi, mon parcours, ça a été j'avais envie d'apporter de la valeur sur le sujet du recyclage. J'avais envie d'apporter de la valeur rapidement, donc le sujet digital. Donc je me suis créé une expertise sur l'intersection entre la gestion des déchets et le recyclage. Et pour ce faire, je suis au culot. Quoi. J'appelais les startups, je les identifiais sur Internet, j'essayais d'avoir une conversation WhatsApp avec le CEO. Parfois, c'était la personne du helpdesk qui me répondait. Je disais, est-ce que je peux... C'était très difficile. Enfin, voilà, eux, ils sont là pour mettre des barrières. Une fois que j'ai créé cette compétence, la question, c'est qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je crée une boîte? Est-ce que j'avais aussi une idée de boîte à monter? Est-ce que je fais du conseil? Ou est-ce que je vais la vendre à un grand groupe, comme dans une unité, on va dire, innovation, dans un grand groupe d'environnement ici? Au début, j'étais ouvert aux trois options, parce que ça ne sert à rien de fermer des options. J'ai exploré les trois canaux. Et en fait, le hasard des rencontres a fait que j'ai rencontré un directeur de Carrefour, qui avait une équipe gestion des déchets. Et je me suis assis avec la personne, on va voir ce que ça va donner, qui était dans son équipe. Et en fait, en parlant avec elle, au fur et à mesure de la discussion, je voyais tout de suite comment leur proposer une transformation digitale sur la gestion de leurs déchets. Pourquoi? Parce que, un, j'avais la compétence de chef de projet, de mon passé d'expérience, et deux, parce que j'avais toutes les connexions avec les startups locales qu'on pouvait mettre dans un appel d'offres pour leur faire passer d'une gestion des déchets papier à une gestion des déchets digitales. Et donc, en fait, au 3 heures, j'ai rédigé une proposition de mission en disant « Vous voulez qu'on fasse ça ensemble ?» Et là, la chance que j'ai, c'était un client français, il avait mis le français sur ce sujet-là parce que c'est un sujet risqué, donc il avait envie que ce soit quelqu'un de très de confiance qui puisse se tenir. Donc, en fait, il a dit « On y va ». Donc, une chance inouïe, mais au préalable, j'avais quand même pu venir avec un bagage, montrer que j'apportais de la valeur. C'est-à-dire que c'était gagnant-gagnant. Eux, ils me permettaient de rentrer sur un sujet gigantesque qui est la gestion des déchets chez Carrefour. Et moi, je leur apportais la digitalisation qu'ils n'auraient pas pu mener toute seule. Et surtout, le cadencement, parce qu'avoir un chef de projet dédié sur un projet comme ça, ça accélère x10 le déploiement. Et c'est une fois qu'en fait, j'ai trouvé le job que j'ai créé ma boîte de conseil. Je me suis dit, bon, bah, du coup, maintenant, je vais vous le proposer en freelance, je vais créer ma boîte de conseil. Et les paramètres du coup de l'entreprise que j'ai créée étaient en adéquation avec la mission, et j'ai laissé un certain nombre de paramètres ouverts pour pouvoir avoir d'autres clients derrière. Et ça a été le premier pas, comment rentrer en freelance sur ce sujet-là. Ensuite, il a fallu que je crée ma légitimité. Donc, grâce à Carrefour, en fait, je me suis connecté avec plein des startups et des industriels de la gestion des déchets, et j'ai pu faire, prouver ma valeur. Et ce qui est amusant, c'est que du coup, la start-up que j'ai fait rentrer chez Carrefour, qui s'appelle Plateforme Averge, j'étais donneur d'ordre client, et le CEO de la start-up m'a vu en fait sur le terrain et m'a demandé au mois de décembre 2018 si je pouvais intégrer sa start-up pour comme bras droit pour l'épauler sur toute la structuration des opérations de la start-up. Donc en fait, le parcours, il est complètement inattendu. Il est inattendu, mais il paraît quand même très bien construit en fait. Tu nous dis que c'est inattendu, ce sont des opportunités, mais en fait, tu te les as clairement, et c'est ce que tu expliques aussi, tu te les as créées chacune de ces opportunités. Mmh. Tu es arrivé sans rien, mais pas sans rien, forcément, tu avais une expertise, donc tu t'es dit, allez, go, je vais aller sur cette expertise, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce qui m'intéresse? Tu t'es d'abord créé le réseau, bête. En fait, tu es passé par toutes les étapes nécessaires si on veut faire les choses bien et correctement, et tu as eu peut-être un peu de chance avec, on va dire, avec Carrefour, mais là encore, à chaque fois, tu es allé chercher les bonnes choses à faire. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, ce n'était pas du tout mon plan pour 2019. C'est-à-dire que mon plan pour 2019, c'était de multiplier mes clients d'un point de vue conseil. Donc, j'étais en train de commencer à recruter d'autres consultants. J'étais en train de multiplier aussi mes clients. Donc, j'avais d'autres grandes entités, principalement par le réseau des Français, parce que ça apporte quand même tout de suite un crédit d'être français quand le client est français quand même ici au Brésil. J'avais un projet aussi de lancer une start-up à côté, en plus de la boîte de conseil. Ça, c'était mon programme 2019. Et en fait, cette proposition chez Plateforme Averge, elle était pas du tout prévue. Donc, il a fallu que je repriorise un peu mes projets, que je positionne des gens à ma place, etc. Mais de par la proposition, c'était difficilement... refusable. Tu penses que ça aide un petit peu, en tout cas, d'être français ici? Parce que j'ai eu une conversation très récemment avec Mathieu Leroux, donc fondateur du Wagon au Brésil, et qui me disait qu'au Brésil, on avait une mentalité, tout ce qui vient de l'extérieur est mieux. Et être français, c'est bien vu. Et sur un sujet comme l'environnement, les déchets, le recyclage, ça peut être un atout. Tu valides ? Alors, en fait, il y a des. C'est vrai. C'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure, les Brésiliens considèrent souvent que ce qui vient de l'extérieur est mieux fait. Et même si ce n'est pas toujours vrai, ils ont une image qui est souvent fausse aussi de l'extérieur. Et il faut les aider à prendre confiance en eux, parce que souvent, ils se dévalorisent, et c'est dommage. Mais sur tout ce qui est gestion des opérations, process, fiabilité, comment gérer des choses de manière à peu près carrée, on a une vraie valeur ajoutée. Ce qui parfois, là où c'est moins vrai, c'est quand on est sur des choses qui sont très liées par exemple à la communication en masse, etc. C'est très difficile de prendre un français et de le mettre sur des sujets de communication grande large ici, parce qu'il faut connaître les codes. Il y a le sujet, soit on est sur, en fait, tourné vers l'intérieur de l'entreprise, soit on est tourné vers l'extérieur de l'entreprise. Pour toutes les positions qui sont très tournées vers l'extérieur de l'entreprise, une entreprise brésilienne va être un peu réticente à mettre un français parce qu'il n'a pas les codes. En revanche, sur tout ce qui est tourné vers l'intérieur de l'entreprise, ça peut être des opérations du commercial, indépendamment, là, le français aura, je pense, une vraie carte à jouer. Après, il a, je pense, toujours besoin d'un sponsor français en interne. C'est très difficile de convaincre un CEO brésilien qui n'a jamais eu de français qu'il va être meilleur sur la gestion des opérations que son petit voisin brésilien. Parce que il y a une inconnue qui est liée au fait d'embaucher un français qui est « je ne sais pas comment il va se comporter ». Autant le brésilien, il a les codes, voilà, autant le français. Voilà. Alors, soit c'est un sponsor qui va être un français dans l'entreprise et qui va dire l'avantage, c'est qu'on va pouvoir se parler de façon beaucoup plus simple, parce que on est deux français, donc on a les mêmes codes pour se parler. Soit un brésilien qui a par exemple voyagé, j'ai par exemple eu des portes d'entrée dans un grand groupe d'environnement ici, parce que la DRH, elle avait fait une expat en France. Donc, elle savait apprécier ces choses-là et du coup était à la recherche aussi, enfin, savait apprécier le français dans l'entreprise brésilienne. Et puis même ici au Brésil, moi je suis assez surpris, on reviendra au business réel très peu de temps, je suis assez surpris de l'accueil, on va dire, que les Brésiliens font aux Français, pas aux Français en tant que personne, mais aux Français en tant que langue et culture, etc., parce qu'il est très très positif selon moi. Énormément de gens, surtout de l'ancienne génération, ont appris le français, en fait, un petit peu, parlent très mal, mais parle bonjour, comment ça va. Moi, j'ai plein d'interactions où quand on dit français, je suis français. Ah, tout de suite, Paris. Et ouais. C'est assez sympa et agréable à entendre. Et quasiment autant que l'anglais, par exemple. L'anglais, moi, je pensais, en arrivant au Brésil, que bon, si je parlais pas bien portugais, tout le monde parlait anglais. Ah ben non, pas du tout. Très peu de langues brésiliennes. Tous les exécutives en général vont quand même parler anglais. Les exécutives vont parfois même parler le français ou l'espagnol ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est souvent le choix de la troisième langue. Ça peut être souvent le français parce que il y a cette relation amicale entre la France et le Brésil qui dure. Et il y a le sujet immigration aussi. C'est-à-dire que beaucoup de Brésiliens sont d'une origine. Alors parfois c'est l'italien, parfois c'est le portugal. Parfois c'est l'Allemagne et parfois aussi ça peut être le français. C'est vrai que souvent la langue que la personne va parler peut être aussi liée à l'immigration dont elle est issue. Ok, donc pour en revenir à Plataforma Verde, peux-tu nous expliquer un peu plus le slogan génial de simplicité, et génial tout court d'ailleurs, de Digitalizando o Lixo, donc qu'on trouve directement sur internet, et ça paraît tout bête, tout simple, et on a tout de suite envie d'acheter la solution. On se dit ah ben dis donc, le déchet, la digitalisation, c'est l'avenir. Alors, non, mais c'est vrai que ce slogan, il est magique parce qu'il met à côté le lixo. En fait, ce qui est marrant, c'est déjà sur la sémantique. Le lixo, c'est le terme vraiment commun qui a plutôt une connotation péjorative. Le lixo, c'est la poubelle, vraiment la poubelle qu'on voit, la noire, avec des gouttes qui coûtent. C'est sale, quoi, le lixo. Donc, c'est quelque chose qui a une connotation négative à côté d'autres mots qui est la digitalisation, qui a eu une connotation positive. Donc, on a l'impression que par le positif, on va changer le négatif. Parce que, après, le mot lixo, par exemple, on utilise plus le mot résidus, qui est un terme plus générique et plus, on va dire, plus sans connotation. Il y a les résidus. Et le lixo, c'est vraiment la poubelle. Ce qui est génial avec ce slogan, c'est que beaucoup de gens on pourrait croire, ah, tiens, tu vas faire quoi? Tu vas prendre des poubelles et tu vas les envoyer dans le cloud de Google, et ça va être génial. Alors pas du tout, malheureusement, si c'était ça, ce serait super. Ce qu'on fait, c'est qu'en fait, la gestion des déchets, donc la gestion des résidus, implique un certain nombre de processus dans les entreprises. Alors nous, on est très orienté B2B, donc on prend par exemple une usine ou un immeuble commercial ou un shopping, des choses comme ça. Ils ont un certain nombre de flux d'informations autour de la gestion des déchets. Et nous, ce qu'on propose, c'est de faire passer tous ces flux d'une gestion papier à une gestion digitale de l'information. Ok, donc tu prends toutes les parties prenantes dans l'écosystème gestion de déchets que rencontre à chaque fois le condominio ou l'entreprise, tous ces flux-là, donc qui incluent les transporteurs, le point d'arrivée, ça, vous les intégrez dans une plateforme et ça sert à quoi? Pourquoi doit-on rentrer dans cette plateforme? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment c'était fait avant. Comment c'était fait avant, les gens, ils appelaient sur WhatsApp leurs copains en disant « Tu peux venir chercher, là, ça urge, on a des poubelles partout, viens. » Le transportateur, il vient, il tape à la porte, il prend ce qu'il y a, il y a un bout de papier sur lequel il dit « J'ai enlevé ça, tu mets un coup de tampon, s'il te plaît. » Et le bout de papier, il en laisse un bout ici, un bout par là, mais souvent, c'est limite le portero de l'usine qui a récupéré le bout de papier et qui est censé remonter à la gestion du... On peut imaginer le labyrinthe administratif, que ce soit chez celui qui gère les déchets, puis ensuite chez le transporteur. Le transporteur, pareil, il part avec son bout de papier, il le fait tamponner à la décharge publique. Pas très transparent aussi. Et souvent, effectivement, il y a le côté honnêteté et le côté malhonnêteté, mais même si les gens sont honnêtes, ça crée des difficultés de c'est quoi l'information, quand est-ce que j'ai accès. Par exemple, il faut avoir en tête que quand on emmène les grosses bennes, la compacteuse, où on met tout. Sac noir là, ça n'est pesé en général qu'à destination, qu'à la décharge publique, parce que par exemple il y a plein de gens qui n'ont pas un pèse camion chez eux quoi. Donc la chose est pesée à destination. Pour savoir combien on va être facturé, en fait il faut que ce soit pesé là-bas et ensuite on multiplie par un prix au kilo. Cette information, pour qu'elle remonte à celui qui a géré le déchet, ça prend 3-4 semaines ou plus. Et souvent, ça revient dans des fichiers Excel où la personne a mis un point au lieu d'une virgule, elle a mis un zéro de trop, elle a mis des tonnes au lieu de mettre des kilos, elle s'est trompée de type de déchet. Donc, il y a tout un travail après, par exemple, de celui qui a géré les déchets, de vérifier le fichier Excel qui lui arrive, et de voir toujours des erreurs. Il y a au moins 30-40% d'erreurs dans les fichiers Excel qui circulent, parce que malheureusement, ici, les gens sont très peu formés sur Excel. Okay. Et moi, c'est ce qui m'épate le plus. Là, il y a des gens à qui j'apprends la première fonction Excel. Ça fait pas du tout ça a l'air de pas faire partie du cursus classique, donc on est sur faire la formule moyenne ou la formule somme, quoi, des choses comme ça. Donc la personne administrative du transporteur de déchets, c'est la personne, elle a appris Excel sur le tas et les méandres de se tromper d'un truc. Donc ça crée quoi? Ça crée du délai pour avoir l'information, ça crée beaucoup d'erreurs d'information. Ça permet aussi à la personne de mentir, elle peut envoyer un peu ce qu'elle veut. Donc c'est un manque d'efficacité, un manque de transparence. Et donc si jamais on met en place un outil, qui est donc nous c'est un SaaS, c'est Software as a Service, donc l'entreprise elle paye un fee tous les mois, et elle a accès à une plateforme qui va gérer par exemple toute cette partie flux. Donc la personne elle rentre, si elle essaie de rentrer un chiffre qui est pas bon, ça va lui dire le chiffre est pas bon, donc rentre-moi un bon chiffre. Et ensuite, chacun des acteurs de la chaîne peut avoir un accès à la même plateforme et rentrer ses informations en direct. Et celui qui a généré la première information, il a accès immédiatement. Bien sûr. Il y a un côté accès à l'information immédiatement. Il y a on arrive à verrouiller, un peu comme un super fichier Excel, quelque part, tous les champs pour que quelqu'un qui commence à vouloir mettre des données fausses, en fait, il puisse pas. Et ça se voit, et ça puisse être suivi par tout le monde. Nous, la gestion des données, elle est faite en blockchain, c'est-à-dire que, par exemple, le poids d'une collecte, chacun a le droit de mettre le poids qu'il veut. Celui qui génère les déchets a le droit de dire que c'est 10, celui qui transporte dire que c'est 11, et celui qui reçoit à la fin dire que c'est 9. Ce qui compte, c'est pas forcément de tout de suite permettre à l'un d'écraser la valeur de l'autre, c'est de montrer les incohérences entre ces valeurs pour que celui qui va avoir besoin de l'utiliser, cette donnée, puisse avoir toutes les valeurs et prendre la décision. Donc ça, c'est le côté gestion des données en blockchain qui apporte énormément de valeur sur le secteur gestion des déchets. Et l'autre volet qu'on apporte énormément, c'est l'appui aux audits. Faut savoir que par exemple aujourd'hui, si j'ai un contrat avec un transportateur de déchets, je dois avoir sa licence d'opération, vérifier que la date de vencimento elle n'est pas passée, etc., etc. Aujourd'hui, comment ils font? En général, on fait un contrat avec un transporteur, il m'envoie tout ça une fois, il y a mon service juridique qui le regarde, et après ça va dans un placard où la poussière s'accumule, et le jour où il y a un audit, on se rend compte que tout est obsolète. Bah, grâce à la plateforme, en fait, on va scanner tous ces documents, on va rentrer les dates de validité, et le truc va envoyer des alertes automatiques pour anticiper de 6 mois, attention, votre décharge à une licence d'opération qui est en train d'arriver à expiration, dépêchez-vous de demander sa nouvelle licence, ouais. etc. Donc ça fait que tout le monde, en fait, a aidé au quotidien sur la préparation des audits, par exemple, et dans la loi et dans la règle. Alors qu'aujourd'hui, les audits, c'est systématique, on trouve des documents qui sont pas à jour. Et plateforme Avergy, ça aide aussi, quand tu disais tout à l'heure, qu'avant la personne prenait son téléphone en étant un peu débordée et à dire « Allô, là il faut absolument que vous veniez, j'ai beaucoup de déchets qui sont accumulés, etc. » En quoi plateforme Avergy pourra aider et pas abolir, mais arrêter ce système-là et que ce soit fait de manière plus automatique. Ouais, alors bah, sur la partie, alors si ta question elle est focalisée sur, on va dire, la demande de collecte, sur le début de la chaîne, il y a deux possibilités. La première, c'est par exemple, on a développé un bouton qui est que la personne, n'importe quelle personne à qui on a donné l'accès à la plateforme dans l'entreprise, elle rentre, elle clique sur le bouton et l'action automatique qu'on a configurée, donc par exemple un envoi d'un mail ou quelque chose comme ça, se fait automatiquement à la bonne personne, avec les bonnes informations extraites de la plateforme, et avec une demande de réponse bien claire. Et quand tu dis, pardon, excuse-moi de te couper, quand tu dis à la bonne personne, c'est à la personne que l'entreprise avait déjà sélectionné comme étant son partenaire. Exactement. Donc il va au préalable, ça c'est toute la partie enregistrement initial, on va dire, de la plateforme. D'accord. L'étape 1, quand on a un nouveau client, c'est bonjour monsieur, quelles sont les personnes qui ont besoin d'avoir dans votre entreprise, qui ont besoin d'avoir accès à la plateforme, okay, donc c'est Juan, c'est Rodrigo et c'est Juan Zignou, et quels sont vos partenaires, et donnez-moi le CNP Jota, etc., donnez-moi le nom de la personne du partenaire et l'email. Ah, je vois, en fait on arrive à tout de suite connecter par l'email ou le numéro de téléphone des partenaires. Je vois très bien. Et alors, juste pour finir, ça c'était l'étape 1, mais il y a un autre volet qu'on développe en partenariat avec une autre start-up qui est dans les bureaux juste à côté ici, qui est le fait de mettre des capteurs connectés. Parce que là, on a encore une action manuelle, qui est de quelqu'un de rentrer dans la plateforme et de faire un clic. Mais la vraie, on va dire, automatisation et digitalisation, c'est d'avoir des capteurs connectés qui sont posés, par exemple, sur la benne, ou d'avoir une presse, par exemple, on fait des gros fardeaux de carton ici, et on sort un poids, et en fait, si on connecte tous ces équipements, on arrive à savoir en temps réel ce qui est généré de poubelles, et à partir d'un objectif de, tiens, la collecte, c'est 10 tonnes, bah, dès qu'on arrive à 80% de 10 tonnes, en fait, on arrive à envoyer automatiquement ce mail de demande de collecte. Donc là c'est le client, il a même plus besoin, il a juste besoin en fait, de générer ses poubelles et de les mettre au bon endroit, et avec alors il y a différentes technologies de capteurs selon les types de détritus dont on parle, mais ça va automatiser en 100% la demande de collecte. C'est parfait, tu as fait la transition avec la question que je voulais te poser juste après, c'est ça s'inscrit vraiment pour moi dans le concept de Smart City, ça. Bah c'est complètement la Smart City. Alors la Smart City, il y a plein de volets en fait, il y a la partie transport qui est souvent celle dont on parle le plus dans les Smart City, la gestion des énergies, la gestion de l'eau et la gestion des déchets. Et si on regarde une façon intelligente et smart de gérer les déchets dans une ville, tout le monde explore ce volet poubelle connectée associé à de la traçabilité de camions par exemple, et associé à une plateforme générale qui surveille l'ensemble des flux et permet de savoir à tout instant d'où vient le déchet qu'il transporte et où est-ce qu'il va, et de façon efficiente par rapport à toutes les ressources naturelles, par exemple, que le transport de déchets, le combustible, etc. Et j'ai vu passer sur LinkedIn un message disant que les entreprises et résidences ici qui produisent plus de 200 litres de déchets par jour, donc ce qui selon moi est relativement peu, enfin ça va vite, doivent s'enregistrer sous 3 mois dans votre nouveau logiciel. Donc, si je comprends bien, vous avez une sorte de contrat avec la ville pour mapper un peu qui fait quoi, qui produit quoi, comme déchets et comment. Et donc ça c'est ma première question. Et la deuxième question du coup, où est-ce que São Paulo se situe sur une échelle dans le monde, enfin, par exemple comparé à la France? Est-ce que São Paulo est déjà ou est une green city du point de vue du traitement des déchets? Alors oui, alors le sujet de São Paulo, de la préfecture de São Paulo, en fait c'est un sujet qui vient d'émerger, sur lequel on discute avec la préfecture depuis presque 2 ans, je crois, mais ça a été lancé au mois d'avril. La plateforme Averge a fourni la solution software spécifique pour la préfecture de São Paulo pour fiscaliser tous les transports de déchets de la ville. Donc c'est en fait, nous, c'est quasiment un software à part qu'on a dû développer parce que c'était pas... Avant, on était très focalisé sur soit les gens qui géraient les déchets, soit les gens qui les transportaient. Et là, on est focalisé sur une entité gouvernementale qui regarde tout ça. Et donc, en fait, le pari, il était très osé. On a beaucoup investi avant de savoir si ça allait marcher. Et là, ça a été validé par le préfet de São Paulo le mois dernier. En fait, l'objectif, c'est que tous ceux qui génèrent des déchets, tous ceux qui transportent, tous ceux qui reçoivent, vont avoir un QR code. Dédié à eux, qui va être sur leur façade, et tous les camions aussi vont avoir un QR code. Et avec ça, chaque collecte de déchets va scanner, par exemple, la benne, le type de déchets et l'endroit où ça a été collecté, et on va pouvoir scanner les différents QR codes aux différentes étapes d'avancement de la collecte. Et ça va permettre à la ville de São Paulo de vérifier que les déchets, qui partent bien du bon endroit, qui vont bien au bon endroit, et qui joue le jeu, qui joue pas le jeu. Donc il y a un vrai sujet de fiscalisation, parce qu'aujourd'hui, une fois de plus, si on regarde comment c'est fait aujourd'hui les entreprises privées qui font de la collecte de déchets ici, elles apportent un gros dossier papier une fois tous les 2-3 ans, qui est analysé rapidement et qui ensuite est mis dans un placard avec de la poussière qui tombe dessus. Et le jour où on veut analyser des données de papier une fois de plus, qu'on veut croiser avec les données initiales qui avaient été, c'est impossible. Donc aujourd'hui, la préfecture, elle engrange de l'information, elle ne sait pas la traiter, et elle ne sait même pas la rentrer dans une base de données elle-même, parce que c'est beaucoup trop de volume. Donc en fait, nous, ce qu'on leur a dit, c'est, on va, première phase, ce qu'on appelle cadastrer, donc enregistrer tous les géradors d'idéchets, donc ceux qui génèrent des déchets, tous ceux qui transportent, tous ceux qui reçoivent, et la loi, donc c'est sous ces 3 mois, donc il y a jusqu'à avril, mai, juin, jusqu'au mois de juin pour tout le monde. Mais alors, c'est deux, comme tu disais, 200 litres, en fait, c'est 2 sacs 200 litres. Donc, un petit bureau doit se déclarer sur notre plateforme pour dire voilà, par contre, je génère 200 ou moins de 200 ou plus de 100. Et dès qu'on franchit les 200 litres, on devient ce qu'on appelle un glingigelador. Et ça veut dire qu'on rentre dans un, on est obligé d'avoir un contrat avec un collecteur privé. Aujourd'hui, il y a plein de gens en fait, qui sont à la frontière ou qui mettent leurs poubelles dans la rue, et c'est la collecte publique qui s'occupe de ça. La vraie différence, c'est qu'en France, par exemple, on voit souvent des camions collecter par exemple, les sacs poubelles des restaurants, des choses comme ça. On dit, tiens, bah, ça fait partie de la collecte publique. En fait, non, il y a une redevance spéciale qui est payée par le restaurant auprès de la mairie. Et donc, en fait, c'est comme si c'était un service privé qui contractait, mais bon, vu qu'il y a une logistique qui est organisée et que la ville l'offre, souvent son prestataire privé, en fait, c'est la municipalité. Ici, il n'y a pas ça. Ici, le secteur, la collecte publique n'est censée normalement s'arrêter qu'aux petits géradors, ceux qui sont de tout petits volumes, et dès qu'on est grand, on est censé aller chercher et il y a beaucoup de gens abusent. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, les autorités publiques, elles sont débordées. Elles ne savent pas fournir le service adéquat, et il y a toute une tranche de gens au milieu qui sont des moyens géradors, en fait, et qui vu qu'il n'y a pas de, y a personne qui vient leur mettre des amendes, etc., continuent à abuser, à mettre tout dans la rue. Donc, par l'outil digital, en fait, on va vraiment à la fois révolutionner complètement toute la gestion des déchets ici, parce que, au Brésil, il y a São Paulo dans un premier temps, mais en fait, on commence déjà, ça prend comme une traînée de poudre, ça, et le CEO était à Brasilia la semaine dernière pour parler au ministre de l'environnement pour multiplier ça comme standard sur tout le Brésil. Donc une fois qu'on arrive à faire franchir, à montrer sur São Paulo qu'on est capable de faire ce genre de choses, on est capable de le faire à peu près partout parce que c'est un niveau de complexité qui est gigantesque. Et alors après, dire São Paulo, ville verte ou pas, j'aurais tendance à dire que telle qu'elle est aujourd'hui, elle n'est pas vraiment. Ils ont quelques infrastructures qui sont sous-utilisées dans le bon axe. Par exemple, les centres de séparation de déchets recyclables sont sous régime. Les gens ont encore un niveau de conscience qui est extrêmement bas. La ville de São Paulo a lancé une campagne au mois de mars qui s'appelle SP Sampa Recicla, qui vise à dire aux gens, mais de séparer en deux vos poubelles, on est encore là. C'est-à-dire qu'on est encore en train de faire une énième campagne de com pour que les gens séparent en deux. Pour séparer le mouillé du sec et pour pouvoir recycler les déchets secs. Et alors heureusement, voilà, en fait, ce qui est bien, c'est que par le digital, on va probablement secouer le secteur, faire passer plein de grands digérateurs à des collègues privés et faire une vraie prise de conscience en aidant en fait le pouvoir public à fiscaliser mieux les opérations. Ouais, c'est sûr. J'ai vu en plus de ça, donc ces plateformes Avergy est assez jeune et j'ai vu que vous étiez reconnu par le Forum économique mondial comme entreprise pionnière en technologie. Quelle est l'ambition de Plateforme Avergy? C'est l'internationalisation, c'est voir plus loin. Là, tu parlais de Brasilia dans la question précédente. C'est plus tard aller conquérir d'autres marchés. Ouais. Alors, nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? D'un point de vue B2B, on est surtout le Brésil. Et d'un point de vue B2J, ouais, donc vers les gouvernements, on était focalisé sur São Paulo et on va s'ouvrir au Brésil entier sous peu. On vient de faire une levée de fonds série A qui nous permet sur l'année 2019 déjà de quelque part doubler la taille de l'entreprise et mettre en place des processus, mettre en place des outils standardisés, des choses comme ça. Donc ça, c'est pour ça que moi, le CEO m'avait appelé. Il avait vu ma capacité à structurer les choses et il m'a dit, viens, parce que c'est un peu le souk, et on a pourtant un super pipe devant nous. Moi, c'est ça qui m'a plu comme défi. 2019, c'est donc l'année pour nous de la consolidation du marché brésilien et de l'organisation de l'entreprise. Mais 2020, ça va être le moment où on va commencer à définir quels sont les pays dans lesquels on s'implante pour déployer nos solutions. Ok. Et donc là, donc, tu es COO, tu es manager évidemment. Quelles sont selon toi les qualités d'un bon manager et comment vois-tu le management au Brésil? Je parlais avec Fabien Echen et Mathieu Leroux dans les interviews précédentes des différences culturelles notamment du management ici. Quelle est toi ton expérience concrète avec le management brésilien? Ben, moi, avant de considérer le Brésil, je trouve qu'un bon manager, c'est un manager qui sait s'entourer et qui sait déléguer. Et ici, en fait, ils ont, je pense, le pendant inverse, et souvent, c'est que le manager brésilien typique, il aime bien centraliser. Il aime bien contrôler, il aime bien participer et mettre des barrières à la liberté de ses équipes. Donc j'ai déjà vu pas mal de cas dans mon environnement très proche de managers qui veulent être dans toutes les réunions d'avancement, qui sont là pour présider la réunion d'avancement qui donnent tout le temps en fait les décisions, ça vient d'eux, les propositions de solutions, ça vient d'eux, qui laissent peu de place à la voix de leurs équipes. Et moi je trouve que c'est pas la bonne façon de faire grandir les gens. C'est pas la bonne façon aussi d'assurer ses arrières, parce que du coup, dès qu'on est absent, les gens sont complètement démunis. Et je vois beaucoup ça au Brésil, c'est-à-dire qu'il y a ce sujet un peu dictatorial de beaucoup de managers brésiliens qui c'est des petites monarchies, quoi. C'est un peu les rois, et souvent ça donne pas des bons résultats. Il y a le manager aussi, il y a le côté, on en parlait tout à l'heure, qui n'ose pas dire non. Qui est toujours dans le consensus, etc. Ce côté consensus qu'ont les Brésiliens, qui peut se rapprocher un peu de certains pays en Asie aussi, où c'est très difficile de savoir vraiment ce que pense la personne, je pense qu'il est aussi vrai. La question, c'est dans quel axe il se positionne. Est-ce que c'est en horizontal ou est-ce que c'est avec son manager? Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est en horizontal, avec des gens de son équipe ou avec le manager de l'équipe d'à côté ou... Et à ce moment-là, effectivement, il y a le côté tout doubé, Malaville, c'est super et tout. Il pense peut-être l'inverse de ce qu'il est en train de dire. Et dès qu'il pourra poser une peau de banane, il la posera. Alors que je pense que en France, en Allemagne, etc., parfois trop d'ailleurs, on aime bien tout le temps donner son avis, tout le temps voir les 10% de ce que dit la personne qui sont pas bons. Et en fait, ne parler que des 10% qui vont pas, alors qu'il y a 90% à côté qui étaient bien structurés, bien posés, etc. Maintenant, du coup, la vraie recommandation, c'est que je suis en train d'appliquer même moi au quotidien, parce que je rentre dans une nouvelle structure et je suis en train de comprendre les jeux de pouvoir, les jeux de jalousie, etc. C'est surtout ne jamais se dire que c'est gagné, surtout toujours s'attendre à avoir une nouvelle peau de banane et ne jamais croire qu'une personne qu'on croit être son ami dans l'organisation, en fait, est vraiment son ami et est peut-être en train de comploter dans notre dos, quoi. Donc il faut être sur ses gardes, il faut être honnête avec soi-même, il faut faire ce qu'on pense et ne pas mentir, ne pas jouer forcément le jeu du mensonge ou le jeu de la jalousie, Et au moins, voilà, moi, c'est comme ça que j'approche la chose, quoi. Ok, et donc là, on va passer assez rapidement donc, à la troisième partie, qui est que penses-tu donc, de l'écosystème tech et West Tech, du coup, au Brésil, même si tu en as déjà assez largement parlé. Que penses-tu déjà de la French Tech? Quelle expérience tu as eue avec la French Tech? Tu as dit que ça a été au début, tout début quand tu es arrivé, ça a été un bon moyen de commencer ton réseau, parce qu'un ami va te conseiller trois personnes, etc. Que penses-tu du réseau French Tech? Moi, je trouve qu'il est formidable. Il y a des gens qui sont super accueillants, qui m'ont reçu dans les premières semaines pour m'aiguiller, pour m'aider. On a réussi en 2018 à faire venir Mounir Majoubi, qui on a fait un événement pour l'accueillir, etc. Et j'en ai profité pour lui parler de la digitalisation des déchets, en espérant que s'il y avait des choses comme ça en France, et qu'il y a des gens qui cherchaient à venir ici, qui n'hésitent pas à me mettre en contact. Que tu recrutes en ce moment, non? Alors, déjà chez Plateforme Inverge, on est en pleine expansion. On recrute des développeurs, on recrute des fonctions support aussi. On cherche à établir un camp de base à Curitiba. Okay. Ceux qui connaissent des développeurs à Curitiba, qui nous envoient leur CV. Pour moi, la French Tech, elle joue vraiment son rôle ici. Elle a un super réseau, elle a des gens extrêmement pertinents qui ont monté des super histoires ici. Donc ça, c'est génial parce que ça montre le chemin. Et après, effectivement, moi, quand je me suis rapproché de la French Tech et que j'ai parlé, on va dire, de clean tech, ou green tech, je me suis rendu compte que je me suis retrouvé très rapidement tout seul. Et en plus, la clean tech ou la green tech, ça englobe pour moi l'énergie, l'eau et les déchets. Donc, c'est déjà un triple sujet. Et moi, j'étais focalisé sur la gestion des déchets. Donc, étant tout seul dans un truc où je voulais créer quelque chose, en fait, moi, après avoir rencontré, on va dire, tous les acteurs tous les acteurs start-up de gestion de déchets ici, j'ai eu envie de créer un nouveau label qui était le label Waste Tech du Brésil. Qui s'est matérialisé de façon de faire des conférences où certaines solutions étaient présentées, les CEO pouvaient venir dire ce qu'ils faisaient, et dans la salle, il pouvait y avoir des potentiels partenaires, des potentiels clients, moi qui à l'époque était dans une position de conseil, et donc qui pouvait éventuellement organiser les choses et mener les projets. Et parce que il y a un manque aujourd'hui, il y a un manque sur la gestion des déchets digitales, de porte d'entrée pour savoir quelles sont les solutions. C'est extrêmement chronophage d'aller chercher. Moi, j'ai passé des mois à construire ma connaissance, et mon objectif aujourd'hui, c'était de la partager, de l'ouvrir, parce que le gâteau est tellement grand, et donc on a besoin finalement de se lier les uns aux autres pour pouvoir avoir plus de force et faire avancer les projets plutôt que d'être sur des guerres de territoire. Donc voilà, moi, j'ai au sein, on va dire, de la French Tech. Moi, j'ai créé cette Waste Tech qui je suis prêt à la partager. J'ai déjà partagé dans quelques événements pour donner plus de visibilité au sujet et pour pouvoir apporter des solutions au marché. Ok. Et aurais-tu des conseils pour un Français qui vient s'installer prochainement au Brésil? Et as-tu un conseil pour entreprendre ici ou... Alors moi, je pense que le vrai sujet qu'il faut anticiper plutôt, c'est le sujet du visa. Parce que tous ceux qui travaillent ici ou qui veulent travailler, ils ont un sujet autour du visa. C'est très administratif ici, le Brésil. Donc je pense que plutôt, il faut savoir avec quel visa venir, vérifier qui permet de travailler, vérifier les délais, etc. Une fois qu'on a cadré ça, on va dire, et ça, c'est même avant de venir, moi, je suis passé par la porte d'entrée de la French Tech et je trouve que c'est une super porte d'entrée. Donc, je recommande de passer par ces gens-là qui connaissent tous les acteurs de la tech ici et permettent de rediriger. Après, je pense qu'il faut avoir... j'étais une machine à rendez-vous, une machine à déjeuner, et c'était magnifique. J'ai appris des choses, je ne m'y attendais pas. Et c'est un peu de rigueur dans cette façon de faire, ça permet de... Parce qu'on se crée un portefeuille de relations, mais les gens aussi consacrent du temps, etc. Donc il faut le faire de façon sérieuse. Et puis il faut multiplier les canaux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir que le canal peut-être French Tech, voir si on n'a pas des amis, si on ne connaît pas des entreprises. Mais je pense que le contrairement peut-être à des villes comme Paris ou des choses comme ça où les gens ouvrent difficilement leur carnet de rendez-vous, je trouve qu'ici, quand on vient, qu'on est France, etc., les gens ouvrent leur carnet de rendez-vous assez facilement, donc c'est une opportunité. Il faut en abuser, quoi. Il faut aller voir les gens. Il y a toujours un moment où il va y avoir, tiens, un tel, en fait, il peut m'aider sur tel projet, etc. Et il y a naturellement une bienveillance envers les gens qu'on a rencontrés, qui nous ont montré qu'ils avaient l'air bien câblés, qu'ils avaient une valeur ajoutée à apporter, à les mettre en relation. Donc voilà. Et puis de la suite dans les idées, quoi. Parce qu'il y a quand même un sujet suite dans les idées. C'est pas parce qu'on a fait 10 rendez-vous et qu'on n'a rien trouvé qu'il faut se dire bon, c'est difficile, etc. Il faut en faire 20, il faut en faire 30, il faut continuer. Et il faut se laisser infuser, on va dire, par les suggestions extérieures parce que il y a des opportunités auxquelles on n'avait pas pensé initialement qui en fait peuvent être la bonne, quoi. Bien sûr. Merci Antoine de m'avoir accordé ton temps et bonne continuation à Plateforme Avergy. Merci beaucoup Thibaut et merci d'être venu me voir.